toutes les historiettes. Le chaperon rouge, la bobinette, la chevillette qui chéra dans les bégonias. Et certains loups qui se déguisent adroitement sous une chemise, puis qui soudain le scélérant, etc. etc. C'est bête comme chou, tout ça ne tient pas debout. C'est des histoires sans queue ni tête pour bourrer le crâne aux fillettes. Vraiment, quel fou inventa l'histoire du loup. Quand on parle du loup, c'est dangereux, car on en voit toujours la queue. Que de fois aussi j'ai pu entendre l'histoire des pigeons au cœur tendre, dont l'un s'ennuyait au logis, si bien qu'un jour il est parti. Histoire qui ne se serait pas produite si la pigeonne avait bien vite, pour prendre son mal et le conserver, mis un peu de sel. Où ça? Où vous savez? Ah bon? C'est bête comme chou, tout ça ne tient pas debout. C'est des histoires sans queue ni tête pour bourrer le crâne aux fillettes. Quel conte idiot, avec les ciseaux il faut pour qu'ils s'envolent pas simplement, tailler leur plumage plus souvent. Ça se corse en Grèce. Il est bon celui-là. Oh, il faut que je leur dise. Tiens. Ça se corse en Grèce. Alors, faut que je sois sérieux quand même. Ma femme, parce que je suis marié, hein. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive même à des gens très bien. Alors, ma femme, disais-je, a été suivie par un beau jeune homme que je vais voir ici paraître et qui serait le modèle idéal pour me poser l'amour. Si Aspasie consentait à poser la vertu dans les bras de l'amour. C'est un groupe qui m'a été commandé par ce vieux cochon de Périclès. Seulement voilà, Aspasie ne veut pas.